Le 29 juillet 1958, le président Dwight Eisenhower crée par décret la National Aeronautics and Space Administration, la NASA. Nous sommes en pleine guerre froide et l'URSS a une longueur d'avance en matière de conquête de l'espace avec le lancement quelques mois auparavant de Sputnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. C'est le début de 60 ans de choix politiques, économiques et scientifiques qui enverront, suite à la volonté de Kennedy, des hommes sur la Lune en moins de 10 ans de travaux acharnés, des sondes aux confins du système solaire. Mais c'est surtout la consécration d'une nation, les États-Unis, comme champion incontesté de l'exploration spatiale. « 60 ans de la NASA, il était une fois l'espace », c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire de la NASA dans le temps record d'une heure, il en faudrait certainement beaucoup plus, mais nous allons essayer de le faire malgré tout. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Pascaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du Nouvel Âge Spatial, c'est au CNRS Édition, et nous serons rejoints dans quelques instants par Isabelle Sourbès-Verger, qui est géographe chargée de recherche CNRS au centre Alexandre Coiré. Elle a des petits problèmes, elle va arriver dans quelques minutes. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours, en direct sur les ondes de France Culture, en replay, en podcast et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, je le disais, il va être certainement assez ardu de résumer en une seule heure les 60 ans d'histoire de la NASA, tant ses contributions scientifiques à la connaissance de l'espace sont importantes. Il va falloir faire des choix, mais ce qui est certain pour commencer, c'est que la NASA ne serait peut-être pas la NASA sans la volonté d'un homme en particulier. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We choose to go to the moon, c'est John Fitzgerald Kennedy, le 12 septembre 1962, dans son célèbre discours à l'université de Houston. Je vous le traduis, nous avons choisi d'aller sur la Lune, nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile, parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter. Tout comme les autres, la NASA, en fait, c'est plus l'enfant de Kennedy que d'Eisenhower, en fait, Xavier Pascaud. D'une certaine manière, oui, dans la posture qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est plus l'enfant, effectivement, de Kennedy que d'Eisenhower. Eisenhower est quelqu'un qui a été témoin donc, de cette première soviétique, le Sputnik, que vous rappeliez tout à l'heure, mais qui a gardé la tête froide, je dirais, par rapport à ça. C'était d'abord un général, c'était un militaire, Eisenhower, et lui, d'abord, mesurait, on va dire, la puissance des États-Unis à sa capacité à faire face à une menace supposément militaire. Et quand on lui a proposé, finalement, quand dans les discussions, à la suite de Sputnik, sont apparues l'éventualité de projets spatiaux, eh bien, on a eu un certain scepticisme de la part d'Eisenhower au départ, quant à l'utilité vraiment de développer ces projets spatiaux qui viendraient éventuellement interférer avec les missiles qui étaient en cours de mise au point. Et donc Eisenhower n'a pas refusé l'existence de la NASA, mais je dirais l'a accepté un peu du bout des lèvres et l'a cautionné. Après, il y a eu tout un tas de débats pour savoir ce que devait être cette NASA. D'abord, au départ, il faut savoir que même pour les programmes spatiaux civils, il y avait l'idée qui déplaisait pas Eisenhower d'ailleurs, que ce soit le ministère des Armées, le département de la Défense qui le fasse. Et puis, paradoxalement, c'est le vice-président Nixon à l'époque, vice-président des États-Unis, qui dit mais ce serait un peu idiot de faire ça par les militaires parce que au niveau propagande c'est pas terrible. Il vaudrait mieux quand même une agence civile qui montre que les États-Unis sont une société ouverte et on va aller doucement vers ça. Et effectivement vous avez raison, le coup je dirais le boost qui va être donné, le véritable lancement de la NASA, c'est 61 et 62 avec ce discours. Le discours de Kennedy. Nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Sourbès-Verger qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vient d'entendre le discours fondateur de Kennedy à l'université de Houston en 62. Peut-être remettre un peu de contexte parce qu'effectivement comme vient de le dire Xavier Pascaud, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'exploration spatiale, les débuts de l'exploration spatiale, c'est avant tout le prolongement de cette guerre, c'est le prolongement d'une histoire militaire. Oui, tout à fait. Et en même temps, vous avez le volet parallèle qui est celui de ces grands travaux scientifiques internationaux qui vont présider à l'année géophysique internationale dans le cadre duquel va être finalement lancé Spoutnik. Alors, bien sûr, les Américains avaient aussi l'intention de lancer un satellite. Ils ont été pris de vitesse par les Soviétiques et c'est une autre histoire. Mais de fait, vous avez ce parallèle qui d'ailleurs rend les choses parfois un petit peu confuses parce qu'il y a une instrumentalisation par les États-Unis de ce cadre de l'année géophysique internationale, que du coup les Soviétiques s'inscrivent dans une vision complètement pacifique, disent-ils, et totalement internationale, mais qui reste quelque part véritable aussi. Hein. C'est vrai que pendant très longtemps, l'espace, qu'il soit occupé par des militaires ou par des civils, finalement, aura plutôt une vocation stabilisatrice qu'autre chose. Et donc, dans ce contexte de 62, pour les États-Unis, le gros problème, ce sont les premières soviétiques, c'est-à-dire premier homme, première photo de la face cachée de la Lune, première femme, etc., etc. Et donc, la réponse américaine, c'est de montrer que le modèle américain l'emporte en réalité sur le modèle soviétique, ce qui est très très important, puisqu'en plus, on est dans une période de décolonisation. Et que pour beaucoup de pays du tiers-monde, eh bien, il y a un choix de société à faire. C'est intéressant parce que les États-Unis ont récupéré beaucoup de scientifiques allemands qui viennent travailler justement sur ces programmes spatiaux. Oui. Mais on a tendance à l'oublier jusqu'à finalement, quasiment, et on va en parler, la fin des années 60, la Russie a vraiment une longueur d'avance scientifiquement et techniquement. Ah oui, technologiquement, oui. Effectivement, comme le rappelait Isabelle, il y a une succession de premières, alors qui concerne l'espace habité, la première sortie extravéhiculaire aussi de Leonov, par exemple. On va mettre la vidéo. Moi, quand je la revois, on se rend compte à quel point il s'était fait avec des bouts de scotch. J'exagère, mais enfin, il risque sa vie. Cette vidéo, elle est incroyable, quoi, la sortie extravéhiculaire de Leonov. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote, plus qu'une anecdote, où son scaphandre commence à gonfler, il a du mal à rentrer, enfin il va se débrouiller, etc. Bon, c'est vrai que ça rappelle les temps pionniers. Il faut dire quand même que la première décennie des technologies spatiales, ça reste quelque chose d'extrêmement risqué. En fait, ils ont plus de chances d'avoir un problème que de revenir sains et saufs, les uns et les autres. Hein, donc c'est vraiment... Donc il y a effectivement cette avance soviétique qui va en fait générer cette énergie américaine. Isabelle Sorez. Oui, et puis c'est vraiment l'époque de la découverte. Par exemple, les ceintures de radiation de Van Allen, bien finalement, il y avait aussi un voltmètre à bord des satellites soviétiques, mais il n'était pas assez puissant parce qu'on n'imaginait pas que les radiations étaient aussi importantes qu'elles l'étaient, etc. Et donc toute cette période-là, c'est vraiment, vraiment la période de la découverte. Les satellites militaires qui sont lancés, c'est pour voir comment on communique avec l'espace, comment un satellite réagit dans l'espace, et ça, je crois qu'on a un petit peu de mal à l'imaginer aujourd'hui. Et on l'imagine effectivement mal. Est-ce qu'on imagine aussi relativement mal quand on se plonge dans cette première décennie des années 60? On va parler de l'aventure Apollo, mais c'est que vraiment, il faut aller très vite. Et donc, comme on va très vite parce qu'il y a cette course géopolitique et ces enjeux géopolitiques, finalement, on prend des risques effectivement très très importants. Alors, oui, tout à fait. On veut aller vite. Alors, en même temps, on a quand même des doutes. Sur Mercury, par exemple, on était prêt à envoyer un homme, et puis il se trouve que le deuxième vol Mercury, enfin, il y a eu 7 vols habités Mercury, et puis 19 tests. Et le deuxième test, la fusée n'a pas très bien fonctionné. Alors qu'on s'apprêtait à lancer l'homme sur le troisième test, on n'a pas lancé l'homme, quoi. Et d'aucuns disent, eh bien, si ça avait marché, c'était avant le 12 avril 61, date du lancement de Gagarin. Donc on est toujours dans des... Et en fait, le vol a très bien marché. Et en fait, la capsule serait revenue intacte, etc. Donc tout ça, ça se joue à très peu de choses, en réalité. Et la même façon, c'est amusant, mais on sait qu'en Union soviétique, Korolev était persuadé que les Américains voulaient lancer absolument avant lui, alors que c'était pas du tout l'optique américaine. Qui ne croyait pas trop, enfin qui était informé, mais qui ne prenait pas véritablement en compte. Et donc il a lancé ce fameux Spoutnik, cette petite boule. Ce n'était pas le satellite original qui était prévu, mais c'était le moyen de faire au plus vite avec un système qui aurait un simple émetteur et le deuxième véritable satellite qui était en retard. Comme déjà dans le spatial, les satellites sont parfois en retard. Souvent. Et voilà, a été la deuxième charge utile et elle était beaucoup plus importante que Spoutnik. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous racontons les blocs de l'histoire des 60 ans de la NASA, parce qu'évidemment c'est une histoire foisonnante quand on regarde la contribution scientifique de la NASA à la compréhension de non seulement de l'espace, mais aussi de notre Terre, de la physique. C'est quasiment pas quantifiable, Isabelle Sourvès-Verger, cette participation de la NASA à la connaissance du monde, finalement. Oui, alors c'est là que la NASA va, je dirais, marquer une différence assez spectaculaire avec l'Union soviétique. C'est que dans les missions de la NASA, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, mais il y a aussi cette idée d'une coopération internationale dans laquelle la NASA doit montrer le leadership, doit former des équipes de scientifiques du monde entier, et c'est ce qu'elle fera. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de programmes spatiaux dans le monde dont un des pères n'ait pas été à un titre ou à un autre initié par la NASA. Alors c'est même amusant parce que quelquefois c'est involontaire. Le père du programme spatial chinois, lui, il a été expulsé par McCarthy, mais c'était un des fondateurs de ce qui deviendra le JPL. Mais donc vraiment, là, la NASA, dans le monde, elle va jouer ce rôle-là dans les premières années. Et ce qui est amusant d'ailleurs, Xavier Pascoe, c'est que Kennedy propose très tôt aux Soviétiques une coopération spatiale, et les Soviétiques refusent. Et Khrouchtchev va dire, ouais, c'est pas le moment, en fait. On n'est pas dans le bon contexte pour le faire. Mais effectivement, et Kennedy, d'ailleurs, et c'est assez personnel chez Kennedy. Mais pour revenir effectivement sur la NASA, et ça va dans le même sens, en fait, il n'y aurait pas eu ce soft power, il n'y aurait sans doute pas eu une NASA. Parce que quand on regarde les textes de sa création et les débats qui ont précédé à la création, il y a un vrai débat pour savoir si ça doit être les militaires qui le font ou les civils. Et on se dit, ben non, il faut qu'on montre que nous, on est une société ouverte, contrairement aux soviétiques qui, eux, entourent leur programme de secret, finalement. Et ça va être une différence. Et on va jouer là-dessus. Il y a une vraie démarche délibérée. Les années 60, c'est l'année où, c'est le discours de Kennedy qu'on a entendu, c'est le moonshot, hein. On va aller sur la Lune. Il faut rappeler aussi que donc, il y a un effort extrême et un investissement financier massif pour tenter, Isabelle Sourbas-Berger, de rattraper le retard russe, parce que pendant la première moitié des années 60, les Russes sont encore en avance. Oui, mais alors en fait, c'est pas un vrai retard. Ce qui se passe, c'est que les Russes, ils ont un programme complètement intégré au départ, missiles, lanceurs, et là-dessus se rajoute le satellite. Et tout ça fait partie du complexe militaro-industriel, et c'est finalement un petit nombre de gens, un petit nombre d'OKB, on appelle ça comme ça, de bureaux d'études, qui construit le programme spatial. Et donc là, ils gagnent en efficacité par rapport à la NASA. Mais si on regarde déjà les qualités informatiques, les qualités de calcul, la sophistication des systèmes, en fait, ils sont déjà en retard. Mais les décisions sont prises de manière rapide. Korolev est un homme extraordinaire qui a vraiment le sens du management et le sens de l'effet spectaculaire. Il récupère ses crédits, il a un accès direct au politburo, et donc ça lui permet de tenir la longueur jusqu'à un certain point. Mais à partir du moment où il y a le discours de Kennedy, en fait, les soviétiques savent qu'ils n'iront pas les premiers sur la Lune. Donc ce qu'ils essaient de faire à tout prix, c'est d'essayer de faire un premier tour habité de la Lune avec des cosmonautes pour un petit peu griller la politesse aux Américains. Et même ça, ils ne vont pas y parvenir. Et la mort de Korolev dans le cours de ce programme permet de découvrir qu'en fait, le programme spatial soviétique, il est fracturé par des rivalités internes. Ils ne s'entendront pas sur le type du lanceur à faire. Et surtout, ils ne mettent pas l'argent. La grande différence, c'est que ce qui a créé la NASA et qui lui a donné cette culture de grand programme, cette idée que en fait, elle représentait l'image de l'Amérique dans le monde, c'est bien évident que les bureaux d'études soviétiques, ils n'étaient plus du tout dans ce genre de schéma. L'investissement massif, c'est ce qui fait la différence. On monte au plus haut, je crois, jusqu'à 4,5% du PIB américain. C'est ça, oui, oui. Mais et là encore, c'est assez une anecdote assez intéressante. McNamara, le secrétaire à la défense de John Kennedy, et James Webb, directeur de la NASA, vont jusqu'à écrire un mémo commun au président Kennedy pour dire « Mais il faut qu'on s'inspire de l'Union soviétique. En fait, il nous manque des plans quinquennaux. » Enfin, on est dans une... Il nous manque de la planification. Il nous manque de la planification. Et c'est un affrontement de modèle à modèle. C'est ça qu'il faut voir. Et la NASA, effectivement, à la différence peut-être de ce qui se passe en URSS à ce moment-là, et on coche la case de la NASA pour propulser l'image des États-Unis parce qu'on considère que si on arrive à faire ça, et bien on aura démontré tout un tas de qualités liées à cet effort. Là où en Union soviétique, vous avez un réseau de personnalités et un réseau de personnalités qui parfois a des histoires anciennes avec des périodes au goulag au temps de Staline, parce qu'ils sont les précurseurs, avec des rivalités même dans le type de clientélisme qu'ils ont par rapport au politburo. Et donc ça aussi, c'est un facteur de fragilité. Mais enfin, de toute façon, le principal facteur de fragilité, c'est qu'en termes d'innovation technologique, après la Deuxième Guerre mondiale, quand même, on n'est que 10 ans après 20 ans au moment de la Lune après la Deuxième Guerre mondiale et l'Union soviétique, elle se reconstruit. Donc. Le lancement du programme Apollo, j'ai lu en préparant cette émission que l'investissement pour l'ensemble de l'aventure lunaire, c'est-à-dire jusqu'au dernier, jusqu'à Apollo 17, c'est 135 milliards de dollars équivalent 2015. Oui, c'est à peu près ça, oui. Mais c'est en fait un ordre de grandeur assez comparable à ce qu'on a dépensé pour la station spatiale, par exemple. Alors, c'est même si la station spatiale, c'est un peu moins, mais on a moins, finalement, l'effet dramatique hein, du premier pas sur l'homme, est évidemment bien supérieur à ce qu'on a fait ensuite avec la station spatiale. Mais il faut bien voir que la NASA... elle mène ce programme aussi parce qu'elle-même, elle est le résultat d'une fédération de compétences. Et quand on crée la NASA, à nouveau, on a quelques alternatives possibles. Soit, d'abord, on pense à déléguer au privé l'effort. Là, on ne le sait pas beaucoup, mais on dit non, très vite, ça ne va pas aller parce que si on délègue au privé, il y aura du retard, du surcoût, etc. Ça ne va pas marcher. Alors, on le dit, on va le donner au département de la défense, mais là, on dit non, il ne faut pas que ce soit un truc militaire. Et puis, on dit, bien finalement, il y a une espèce d'organisation qui existe qui s'appelait la NACA, qui était un organisme de recherche sur l'aéronautique. Et on dit, en ajoutant tout un tas de trucs qu'on va piquer aux uns aux autres en réalité, eh bien on va faire une nouvelle agence et c'est ce qui se passe. Et en faisant cela, finalement, il y a une agrégation de compétences qui fait la NASA à son échelle est précurseur de l'agrégation de compétences qu'on va faire à l'échelle nationale. Et ça, c'est une démarche, on dirait participative aujourd'hui, un petit peu obligée quand même. Mais avec justement cette capacité en fait, à intégrer l'ensemble des compétences. Oui, et après, dans le monde, je dirais que ce prestige des États-Unis va faire que cela va encore renforcer l'intérêt d'à peu près tous les pays au monde. Et là encore, la Chine, pour des raisons historiques et liées à son histoire propre, va être exclue. Mais sinon, effectivement, vous allez avoir aussi bien les Européens que les Japonais, que les Indiens, qui coopèrent aussi avec les Soviétiques en parallèle, qui vont de toute façon essayer de s'inspirer de la compétence américaine, mais sans jamais imaginer, et ça, je pense que c'est vraiment important à dire, qu'ils pourront un jour faire du spécial comme les États-Unis. Mmh. Et ça, encore aujourd'hui, je crois que c'est une erreur d'imaginer que le modèle américain est l'ambition suprême d'un pays, y compris la Chine. Parce qu'en fait, ce modèle américain, il est vraiment lié à une histoire très, très spécifique. Et personne, aucun autre pays n'est prêt à investir de cette façon-là, à la fois en termes d'intérêt national ou en termes d'image internationale. Donc le spatial américain, il est quand même toujours profondément atypique et depuis son origine. Mmh. Alors, on va parler dans un instant du programme Apollo. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le choix des premières tentatives d'exploration planétaire, des planètes intérieures. Là aussi, il y a finalement une sorte de répartition qui fait que, pas de bol, la Russie choisit Vénus et Vénus... c'est pas très très intéressant scientifiquement. Finalement, on se rend vite compte qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur Vénus. Non, alors c'est vrai que c'est pas très intéressant scientifiquement, mais les Américains prennent ça quand même ça très mal parce que non seulement ils se font tailler des croupières quelque part dans le monde du vol habité, mais aussi dans le monde des sondes automatiques. Mmh. Et par exemple, les gens du JPL, le Jet Propulsion Lab, qui est lié au Caltech, à l'Université de Californie, prennent ça très très mal. Et finalement, ça ajoute à cette impression existante aux États-Unis pendant les années 60, bien en fait que quoi qu'ils fassent, ils sont toujours derrière, finalement. Et je dirais qu'en fait, c'est ce sentiment qui va vraiment leur faire mettre les bouchées doubles, y compris dans le domaine de l'exploration spatialité. Ça donnera lieu, par exemple, au programme, moi qui est un programme que je trouve particulièrement emblématique, qui est le programme Voyager, d'exploration du système solaire extérieur. Dont on va parler à la fin des années 70. Isabelle Soubette-Verger, sur ce choix, finalement, de Vénus, parce que les États-Unis vont se reporter sur Mars. Mars, en revanche, ils portent pas chance soviétique et même pour les Russes encore aujourd'hui, c'est compliqué. Effectivement, de toute façon, les Soviétiques, ils font avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ce qu'ils ont, c'est des lanceurs très puissants. Et donc, à partir du moment où ils ont cette carte-là, c'est vrai que pour l'exploration, ça représente un avantage. Mais en même temps, très vite, dans l'organisation du programme spatial soviétique, je dirais que le volet scientifique qui est porté par l'Académie des sciences, ça va être le parent pauvre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Au final, parce qu'il faut développer des applications, alors même s'ils sont plutôt des applications militaires, c'est quand même ça qui va être le cœur du programme, et que la science, d'une manière générale, quand même, moi j'avais fait récemment un graphique qui est assez intéressant, elle génère plus d'échecs que de succès, c'est-à-dire que quand vous envoyez des sondes spatiales, vous avez plus souvent un échec au départ. Et donc il faut réinvestir, et il faut s'obstiner, et ça en Union soviétique, avec Brejnev, ça va plus du tout être à l'ordre du jour. C'est donc au milieu des années 60 que commence le programme Apollo qui va aboutir à Apollo 11 et au premier pas de l'homme sur la Lune. Mais le programme Apollo, là aussi, comme vous évoquez les échecs, Isabelle Soubette-Verger, il commence très très mal, le programme Apollo, Xavier Pascaux. Il commence par la mort de trois astronautes. C'est ça, le jour même de la signature du traité d'ailleurs sur l'espace extra-atmosphérique en 67, où effectivement il y a un incendie qui se déclare et qui... Alors, il y a une une réaction d'ailleurs assez particulière qui est, beaucoup redoutent qu'en fait ça mette quand même très très à mal l'effort Apollo, et en fait pas du tout. En fait, c'est intégré, il y a un tel élan dans ce programme que c'est intégré complètement, et en fait, alors on va même, alors il y a une petite chose quand même qui va se passer, c'est que les astronautes se rendent compte que c'est très risqué, quoi. Donc il y a une anecdote qui va poser problème politiquement. Life, le magazine Life, va passer des contrats avec les astronautes, et on va considérer au niveau, normalement c'était pas tout à fait permis, mais on va considérer que c'est une sorte de dédommagement possible par rapport au risque qu'on fait peser sur leur vie et qu'on fait peser sur leur famille dans l'hypothèse où ils auraient un problème. Et Kennedy va re-signer ce contrat, mais après beaucoup de discussions. C'est une petite anecdote intéressante, mais ça montre combien en fait on veut surpasser et on s'autorise à la limite bien tous les procédés les plus bizarres finalement. Oui, et à mettre en danger la vie des astronautes. À mettre en danger, voilà, c'est intégré dans le programme. Quand on voit d'ailleurs, par ailleurs, on parlait de la rapidité finalement avec laquelle ce programme est lancé, quand on voit les raisons justement de cet accident d'Apollo 1, c'est un fil dénudé, c'est des matériaux inflammables dans la cabine, c'est que là aussi on est allé très très vite au mépris de la vie humaine, Isabelle Soares. Oui, mais c'est surtout un manque d'expérience, parce que au fur et à mesure, on va faire des procédures de qualité, on va faire des procédures de sauvegarde, on va vérifier de plus en plus de choses, et on va mieux maîtriser. Il faut voir qu'un programme spatial, c'est énorme. Enfin, en termes de câblage, on n'imagine même pas à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment qu'il y a quelque part un fil dénudé. Oui, bah effectivement, tant qu'on n'a pas pensé à tout vérifier, ça existe. Et comment se déroule entre Apollo 1, justement, la suite du programme après cet échec retentissant? Alors, ce qu'on oublie, c'est que en même temps qu'Apollo progresse, on fait des expériences. Il y a le programme Mercury qui se continue quand même jusqu'en 62, puis il y a le programme Gemini qui prend la suite pour mettre des équipages en orbite. Et là, on teste en fait. On ne fait que des tests. On teste tous les sous-systèmes du programme Apollo. Et puis il y a le lanceur lui-même, donc qui est mis en place avec la Saturn 1B, puis les Saturn 5. Et puis il y a quand même tout ça en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout avance de front. Il y a la conception et l'architecture du programme, et il y a une grande étape qui va être finalement identifiée au moment des années 60, c'est est-ce qu'on fait un rendez-vous en orbite terrestre ou est-ce qu'on fait un rendez-vous en orbite lunaire ? Et on sait qu'au bout du compte, c'est le rendez-vous en orbite lunaire qui va se passer avec un module qui... Mais ça a fait l'objet de débats internes, non seulement techniques, mais même politiques, pour savoir si en fait on faisait une station ensuite terrestre qui permettrait de faire d'autres choses. Et on choisit, non, de faire... Et là, Werner von Braun, notamment, va être assez décisif dans la... Ça va être le véritable architecte de la mission. Ouais, et côté soviétique, finalement, on aimerait mieux faire une station et partir de la station, parce que d'abord ça paraît plus logique, ça paraît moins cher et ça paraît à terme plus rentable, puisque finalement ce marchepied on l'aura créé pour faire autre chose. Et cette décision américaine, qui est quand même une décision en termes financiers qui est un petit peu délirante, parce que tout cet argent qui va être dépensé pour s'arrêter finalement après quelques missions Apollo et qui aura pas de suite, ça pose un problème. Alors que finalement, quand l'Union soviétique va reconvertir son programme habité en station spatiale, eh bien effectivement elle aura des hommes en orbite pendant des années et des années. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont trois, mais il y a des invités. Et ça va représenter, par rapport aux Américains qui, eux, devront attendre la navette spatiale, enfin, il y a le vol, il y a l'échange Apollo-Soyuz, puis il y a un vol Skylab, mais enfin, globalement, ils vont devoir attendre pour pouvoir être en permanence présents dans l'espace, un petit peu la navette et beaucoup la station. Et en même temps, ce que ça montre, c'est que la communication médiatique, cette fois-ci, est complètement différente, parce que je pense que personne ne se souvient que des années 77 aux années 81, pas un Américain n'a volé, alors que ça aurait été un traumatisme 10 ans plus tôt. On va revenir aux années 70, parce que, en attendant, discours de Kennedy en 61 et le 21 juillet 1969. On a beau le connaître par cœur, moi ça me donne des frissons à chaque fois. Non mais la Russie est KO debout, la victoire est écrasante. Xavier Pascaud, devant toutes les télés du monde entier, la démonstration de puissance américaine. Oui, avec cette idée qu'on vient au nom de l'humanité, finalement. Et donc, on est un peu le porte-drapeau. Alors, ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'il y a une polémique encore qui existe aujourd'hui pour savoir si elle avait été spontanée ou préparée. Et Armstrong a toujours juré qu'elle avait été spontanée. Et il semblerait que dans des discussions qu'il a eues avec son frère, et le frère a mangé le morceau, si j'ose dire, il dit, est-ce que tu penses que ça irait, ça, si je disais ça, etc. Il dit, oui, ça me semble pas mal. Et en tout cas, il n'y avait peut-être pas de volonté de... C'est peut-être pas quelque chose qui a été... Mais enfin, oui, il y a un aspect propagande qui est évident. Il y a une plaque qui est mise. Il y a tout un un tas de... Et les États-Unis sont là au nom de l'humanité déjà. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est déjà la nation un peu spéciale qui représente les autres nations. Ouais. Et en même temps, ce qu'on oublie, c'est que pour une très très grande partie de l'humanité qui n'a pas la télé, on ne saura pas en 1969 qu'il y a un homme qui marche sur la Lune. Et c'est très intéressant d'écouter en particulier des scientifiques indiens qui racontent que certains d'entre eux qui étaient enfants à l'époque l'ont su 5 ans, 6 ans ou 7 ans plus tard, et de manière totalement fortuite. Et de la même façon, la plupart des Chinois, vous imaginez, en pleine révolution culturelle, étaient absolument à côté de cette idée. Donc nous, Occidentaux et les Soviétiques aussi, qui n'ont d'ailleurs pas caché le succès sur la Lune, hein, y a pas de problème. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, moi ça m'amuse toujours quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'on n'a pas marché sur la Lune et que tout ça est un gigantesque montage, de répondre que si c'était ça, je pense que les Soviétiques se seraient fait un plaisir d'en parler, visiblement à l'époque. Mais je vais vous renvoyer, on a fait un petit numéro des idées claires, qui est cet autre programme dont je m'occupe, et où on pose la question à François Forget, est-ce qu'il est vrai qu'on a marché sur la Lune, quelles en sont les preuves? On va vous remettre le lien sur le fil Twitter, @laméthodefc. C'est aussi, quand on repense à cet exploit-là, un risque gigantesque de la NASA, cet événement en direct, à la télévision, le moindre accident, c'était la catastrophe. Oui, alors le moindre accident, c'est la catastrophe. D'ailleurs, ce risque, il a été calculé depuis très très longtemps, depuis les premiers vols Mercury. On était plutôt à la NASA, pour la première partie des années 60, plutôt opposé à la retransmission en direct. Et c'est Kennedy qui tenait à ce que ce soit retransmis, parce que, disait-il, il était convaincu que les choses se passeraient bien et que l'enjeu en valait, le jeu en valait la chandelle. Et c'est ce qui va se passer. Évidemment, Apollo, c'est aussi fait pour ça. Et là, on a la volonté de démontrer. Hein. C'est vraiment, effectivement, un peu qui tout double, mais on a la volonté de démontrer la puissance américaine. Isabelle Sauvage-Verger. Oui, d'ailleurs, ça aura un grand intérêt pour les communications transatlantiques, parce que du coup, les premiers équipements en antenne qui vont être faites de réception de satellites, ben c'est lié aussi au programme Apollo. Il y a le programme Apollo, la victoire du programme Apollo, mais il y a d'autres missions, un autre pilier de l'agence selon vous, Xavier Pascaud, vous l'avez évoqué, c'est le programme Voyageurs après Pionnier, qui est là aussi peut-être moins, en termes de politique, moins éclatant, mais qui est pourtant scientifiquement, pour le coup, une réussite une réussite extrêmement importante, je dirais presque une réussite symbolique aussi, extrêmement importante pour les États-Unis, parce que c'est le premier programme qui permet de voir le système solaire quasiment de l'extérieur et de faire un retour sur lui-même en montrant qu'on va de l'avant. Donc c'est la destination, c'est l'exploration, c'est l'ouverture, et c'est vraiment le programme Voyager, c'est une manière de transformer l'essai Apollo d'une certaine manière, en disant finalement, eh bien, on va aller au-delà. Et ça correspond vraiment, y compris pour l'opinion publique américaine, ça correspond à des réflexes qui sont extrêmement profonds à la population américaine. Un mot sur ces deux programmes, Pionnier dans un premier temps et Voyager après. C'est la première fois qu'on va aller voir les autres planètes, les planètes extérieures, comme on les appelle, Isabelle Sourbet-Verger. Oui, là, je dirais que les dés sont lancés définitivement. Les États-Unis sont incontestablement le leader dans le monde spatial, et ils sont les seuls à pouvoir réaliser ce qu'ils réalisent. Et je dirais que le monde entier en prend bonne note. Et ensuite, effectivement, ce qu'il va y avoir, et qui est très important aussi dans le rôle de la NASA, c'est sa capacité à fédérer à bord de ses missions de l'expertise scientifique internationale et donc effectivement à embarquer un certain nombre d'expériences ultérieurement sur un certain nombre de missions d'exploration ou des missions qui étaient des missions liées à la connaissance de l'environnement de la Terre. Les deux sondes Voyager, on sait où elles sont encore, on communique encore avec elles. On sait où elles sont. Elles sont effectivement très loin désormais. Ce sont les premiers objets qui sont sortis de ce qu'on appelle l'héliosphère. Et donc, elles sont désormais en dehors de toute influence liée au système solaire. Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont les objets humains qui sont les plus éloignés. Et ça, ça résonne aussi pour les Américains, comme c'est Star Trek, quoi. Enfin, on est dans la découverte et dans la destinée manifeste des États-Unis et de guider le reste de l'humanité vers ce qu'on appelle les nouvelles frontières, etc. Alors, par ailleurs, on communique avec, mais je me demande bien combien de bits on récupère. C'est une communication sans doute relativement mythique. Mais c'est vrai, on les entend encore, mais ça devient de plus. Mais c'est, voilà, mais c'est, on imagine les moyens de l'époque. Ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, c'est que pour ces sondes, on a aussi perfectionné les systèmes de réception au sol qui permettent de les entendre aussi. Finalement, on les fait parler parce qu'on sait mieux les écouter et c'est un peu un jeu comme ça. La mémoire embarquée d'une sonde Voyager, c'est quoi, 64 kilooctets? Ah oui, c'est beaucoup moins qu'un iPhone ou qu'un. C'est vraiment quelque chose de très très limité. to my age at all. Ground control to my age at all. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven. Six. Commencing countdown. Five. Engines on. Three. Two. Check ignition. One. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in my tin can. For comment résister à la tentation d'écouter Space Oddity de David Bowie dans sa version live de Beeb, puisque nous parlons de l'Odyssée spatiale de la NASA et de ce qui fête ses 60 ans cette année. Nous en parlons avec Isabelle Sourbès-Verger, qui est géographe chargée de recherche CNRS au Centre Alexandre Coiré et spécialiste des questions de géopolitique spatiale, et Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. On va avancer dans cette histoire de la NASA, fin des années 70, début des années 80. C'est l'époque d'un choix stratégique que la NASA va payer lourdement et pendant de nombreuses années. Et qui là n'est pas vraiment une réussite, c'est celui de la navette spatiale, Xavier Pascaud. Oui, on dit à la NASA dès 66 que bien, il y a de fortes chances pour qu'elle arrive à accomplir sa mission de mettre un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, et que donc elle doit se préparer en fait en gros à disparaître. Alors on ne lui dit pas tout à fait comme ça, mais ça va quand même conduire Lyndon Johnson, qui se prend la suite de John Kennedy, annonce que la NASA ne sera plus l'agence numéro 1 à partir de 66, d'ailleurs le budget décline, etc. Et James Webb, le patron de la NASA d'ailleurs, démissionne. Et donc la NASA, à partir de là, on se rend compte que si elle veut survivre, il faut qu'elle se batte et qu'elle avance en proposant des choses qui permettent aussi de trouver en l'industrie qu'elle a contribué à créer un allié puissant et même un allié électoral d'une certaine manière. Et c'est ce qui va se passer avec la navette spatiale. Donc la NASA, dès les années 60, va imaginer un grand plan qui consistait à mettre un homme sur Mars en 86, et pour ce faire, qui imaginait de construire une base spatiale en orbite, où il y aurait près d'une centaine de personnes à bord, et évidemment, pour desservir cette base, de créer une navette qui ferait vraiment la navette entre une base et la surface de la Terre. Alors quand Nixon voit ça, il est extrêmement mécontent. Ça conduira à la démission du vice-président Spiro Agnew, d'ailleurs, pas seulement ça, mais en particulier, il le tenait en très très peu d'estime. Et il va évidemment rayer d'un trait de plume l'objectif martien, rayer l'objectif de la base spatiale. Puis quand même, il va se dire, mais si je raye aussi la navette, tous ces gens qui travaillent dans le lunaire, est-ce qu'ils ils seront au chômage, monsieur le président? Ah, donc, il fait faire des sondages, on retrouve aujourd'hui des traces de ça, très très précis, dans ce qu'on appelle les battleground states. Vous savez, ce sont ces états qui sont électoralement, qui font basculer l'élection. Et ils vont en déduire qu'il faut garder quand même un minimum d'activité. Et ce minimum d'activité, ben, ce sera la navette spatiale qui reste d'une certaine manière. On va dire d'ailleurs, c'est plus vraiment une navette, on appelle ça un taxi for nowhere, un taxi pour nulle part. Et cette navette, déjà, c'est un programme mal né, parce que c'est un programme qui n'est pas né pour ça. C'est un programme qui, dans les années 70, va être constamment mis en cause. L'équipe Carter va être à deux doigts de l'annuler. Finalement, la NASA va vendre le concept au Pentagone en disant « mais vous pourrez mettre des gros satellites ». Et ça tombe bien, on perd l'Iran à ce moment-là, on perd les stations d'écoute, donc il faut qu'on voie l'Union soviétique. Carter, qui veut signer des traités de désarmement avec l'Union soviétique, a besoin d'instruments pour montrer au Congrès qu'il saura vérifier ce traité. Donc la navette retrouve une autre place, et c'est comme ça qu'elle survit. Et puis 81, premier vol. Et on voit, Isabelle Sourbès-Verger, à quel point vraiment l'histoire de la NASA est avant tout une histoire politique et que cette histoire aurait pu basculer n'importe quand. Effectivement, après avoir marché sur la Lune, la NASA pourrait quasiment s'éteindre ou devenir une agence... Oui, alors c'est une histoire politique et c'est aussi une histoire de logique bureaucratique. Puisqu'en fait, en réalité, quand vous avez une institution qui a une certaine taille critique, elle trouve en elle-même les ressorts pour se perpétuer et survivre. Et donc, cet exemple, il est très bien parce qu'il montre comment la NASA a su faire feu de tout bois, comme le disait Xavier, y compris en vendant des choses absolument aberrantes si on y réfléchit aujourd'hui, à savoir de faire un système de lancement d'objets automatiques avec des hommes à bord, ce qui est quand même quelque part juste le genre de choses qu'il vaudrait mieux éviter. Et donc à partir de là, c'est vendu en même temps, et le terme de navette c'est ça, le shuttle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui coûte pas cher, qui va complètement faire tomber les coûts, etc. etc. Et ce que va payer la NASA derrière, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que à force de faire des promesses qu'elle est incapable de tenir, eh bien effectivement va y avoir le discrédit, et ce discrédit il va atteindre ses sommets avec les accidents de navettes qui vont avoir lieu en 86. C'est François Forget qui me disait que la première navette spatiale est lancée avec des hommes à bord sans même avoir été testée. Oui, absolument. Et c'est le choix, comme le disait Isabelle, c'est un choix vraiment qui va être funeste, c'est de faire un lanceur qui soit multifonction, qui à la fois soit un lanceur de cargo, de fret, et un lanceur de... Ce que personne n'avait fait. L'Europe, par exemple, l'Europe spatiale, a mis au point un lanceur extrêmement performant qui s'appelle Ariane, qui n'est pas un lanceur qui est fait pour envoyer des hommes dans l'espace, mais qui par contre fait très bien, remplit très bien sa mission d'envoi de fret. Et mêler les deux ensemble, eh bien ça complique considérablement les choses, puisqu'un lanceur habité, c'est quelque chose qui nécessite des redondances multiples, etc., etc. Et ça va d'ailleurs ouvrir Ariane un boulevard dans les années 80. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en France, au moment où nous, on fait Ariane, c'est au moment où la navette, enfin, les premiers vols d'Ariane sont en même temps que les premiers vols de la navette spatiale. Et si vous lisiez la presse de l'époque, vous verriez comment, finalement, la communication médiatique américaine est meilleure que la communication européenne, puisque finalement, nous, on apparaît complètement en retard et complètement dépassé par ce nouveau concept de navette spatiale qui est survendu médiatiquement, et qui en réalité, comme le disait Xavier, a permis à Ariane de prospérer et de récupérer sur le marché commercial des satellites une place tout à fait enviable, puisque la navette a été incapable de remplir la totalité des missions sur lesquelles elle s'était engagée. Ce qui est intéressant, c'est que la navette spatiale, c'est une volonté de réduire les budgets, de réutiliser déjà, hein, avant l'heure, alors qu'on parle aujourd'hui de SpaceX, de Falcon et des fusées réutilisables, c'est ce que veulent faire les États-Unis, mais c'est finalement l'effet exactement inverse, et ça devient un gouffre financier très rapidement. À un point tel que avant Elon Musk, réutilisation c'était devenu un gros mot dans le spatial, puisque évidemment la navette, ça coûtait, on disait $50 le kilo en orbite, ce sera en fait $28,000, et à chaque fois il faut refaire tout le moteur, ça coûte $500 millions, donc c'est vraiment le contraire aux objectifs. Et puis, le 28 janvier 1986... 15 secondes du départ, système de pression d'eau enclenché, on est en mode automatique, les ordinateurs interrogent 440 fois par seconde les moteurs. Allumage du moteur principal, allumage des deux fusées, les boosters qui sont de part et d'autre de l'énorme réservoir, c'est le décollage superbe. À terre, ils sont admiratifs. Très rapidement, la navette atteint les 3 à 4 km par seconde. Et puis vient la réduction progressive de la puissance, 94%, 84%, puis 65%. La navette va pivoter sur elle-même. Et tout est parfaitement normal, commente le patron du centre de la NASA. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Bientôt, les caméras du sol vont quitter la navette. La prise de vue va être relayée par avion. Mais soudain, la navette est totalement pulvérisée. Une partie du public vient de comprendre. Voilà, 73 secondes après le décollage, vous l'avez entendu, la navette explose en direct sur les écrans de télévision. C'est le premier grand drame spatial, l'accident qui aurait pu être celui de la Lune, finalement, il se produit 20 ans plus tard. Il se produit 20 ans plus tard, avec en plus une institutrice à bord. Enfin, il y avait tout un exercice de communication que faisait la NASA, précisément pour montrer que la navette allait rendre l'accès à l'espace d'une certaine manière assez anodin et allait permettre à tout le monde finalement d'y accéder. Et c'est l'inverse qui se produit. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne va pas couper l'effort de la navette, parce que on est dans un contexte où en réalité le pouvoir politique est en train de vendre autre chose, qui est la guerre des étoiles notamment, et pour laquelle il y a besoin d'une quarantaine de vols de navettes par an. Enfin, en tout cas, ce sont les plans. Voilà. Et donc, au contraire, on va transformer ça en disant, bien, ça fait partie des risques que prennent les États-Unis, toujours pour l'humanité, d'une certaine manière, parce qu'on a, ce credo, mais d'une certaine manière assez sincère aux États-Unis, qu'on défriche des voies. Et on a donc, au contraire, un resserrement des coudes, je dirais, aux États-Unis à ce moment-là. Et c'est un credo qui est relayé par les astronautes eux-mêmes, parce que effectivement, je dirais qu'ils ont cette mentalité quelque part de pilote d'essai ou de pilote de l'extrême. Et il y avait des témoignages d'un certain nombre de capitaines, de commandants de bord de navette qui se plaignaient en disant mais attendez, est-ce qu'on a demandé à Christophe Colomb s'il allait partir en étant sûr, etc. Ça fait partie de notre métier, c'est la grandeur aussi de notre métier, et ce risque-là, nous le prenons et nous sommes prêts à continuer à le prendre. Sauf que derrière, détruire une navette en termes d'intérêts industriels, commerciaux, financiers et d'image, c'était juste quelque chose que la NASA, de toute façon, ne pouvait pas tolérer. Comment expliquer justement que la NASA persiste dans la navette spatiale alors qu'elle coûte très cher, qu'elle vient de montrer qu'elle pouvait coûter la vie, parce qu'il faut malgré tout conserver un accès à l'espace? Parce que le vol habité au sein de la NASA est devenu un état dans l'état, ça représente à peu près près d'un tiers du budget de la NASA. C'est en gros, si vous ne faites plus de vol habité, vous perdez un tiers de votre budget. C'est quand même pas mal de milliards. Et puis, parce que les États-Unis, rappelons-nous que la NASA, c'est aussi une agence qui dépend directement de la Maison-Blanche, et que, comme disait un directeur de la NASA assez fameux, aucun président, quoi qu'il en pense, ne sortira jamais les États-Unis du vol habité, parce que le vol habité est constitutif désormais de l'identité américaine. Et donc la navette, c'était le seul moyen. Et puis n'oublions pas, il y avait la perspective de la station spatiale. Trois ans auparavant, un discours avait été fait par Ronald Reagan, lançant le grand projet de station dont on savait qu'on aurait besoin de la navette pour la construire, assembler, etc. Donc il y avait un plan, si vous voulez. Et il fallait corriger les choses pour que ce plan puisse être mené à bien. Et puis comme la NASA avait vendu la navette comme moyen de lancement pour des satellites extrêmement gros, extrêmement lourds, et qu'elle garantissait en quelque sorte en mise sur orbite hyper manuel, enfin avec il y avait un effort très particulier, eh bien il n'y avait plus de lanceurs aux États-Unis pour mettre à poste ces satellites qui étaient des satellites militaires. Pendant 4 ans, il n'y a plus eu de satellites militaires de reconnaissance lancés. Et heureusement, je dirais que la technologie américaine était excellente et que ces satellites étaient multimissions. Parce que le Pentagone avait quand même voyé d'un très très mauvais œil de faire lancer ces satellites par la navette, par la NASA. Quand même. Donc ils avaient déjà dans les tiroirs des plans pour des grosses fusées qui viendront effectivement quelques temps après. Qui viendront plus tard. Il faudra attendre un nouvel accident, celui de Columbia en 2003, pour que les États-Unis finissent par mettre un terme définitif à la navette spatiale en 2011. On va avancer dans le temps parce que les années 80, vous l'avez évoqué, c'est l'époque de la station spatiale où là, les Russes ont repris une avance, ont fait des choix stratégiques différents. Ils mettent Mir en orbite et c'est le dégel, c'est les fameuses images des astronautes américains qui rencontrent les cosmonautes russes dans l'espace, Isabelle Soares-Verger. Alors ça, c'est les images de 75 du vol Apollo-Soyouz et c'est la première fois que des Américains iront en quelque sorte en Union soviétique découvrir le programme spatial. Et il y a des épisodes qui sont racontés dans un documentaire qui est très bien fait d'ailleurs sur Apollo Soyuz et qui est passé récemment, je ne sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs, et où là on voit que les Américains mettent complètement à mal le système interne soviétique puisque en fait on leur refuse d'aller voir le Soyuz. Et eux disent pas question, nous on veut absolument le voir parce que on va devoir passer d'un vaisseau à l'autre, on a besoin de connaître les caractéristiques techniques, etc. etc. Et on leur dit c'est pas possible. Et les Américains disent, dans ce cas, on ne fera pas le vol. Et là, c'est une explosion en interne sur le programme spatial soviétique, parce que personne n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse avoir une espèce d'autonomie de décision comme ça. Et finalement, ils verront le Soyouz. Et bon, l'anecdote, c'est que la mission se déroulera très bien. Les seuls qui auront des problèmes seront précisément les Américains. Mais bon, ces problèmes seront surmontés et ils reviendront. La station Mir, c'est vraiment l'héritage du programme raté de la Lune. C'est ces stations qu'on a renouvelées et multipliées, les stations Salyut, puis cette fameuse station Mir, et c'est ensuite, je dirais, la revente, alors là, très largement politique, du deuxième module de Mir qui devait être lancé initialement par les Russes et qui finalement fera un des deux premiers modules de la station spatiale internationale. International, c'est le mot après des années 90 où le slogan de la NASA devient faster, better, cheaper, où on veut réduire encore les coûts. La NASA commence à se rendre compte que, eh bien, malgré le fait d'être l'hyperpuissance spatiale, elle ne peut plus travailler seule. Je dirais même peut-être à cause de ça en réalité, parce qu'effectivement elle a pris des habitudes d'énormes budgets. Enfin, la station spatiale, c'est 20 milliards de dollars d'études papier avant même de toute réalisation technique. Enfin, le laboratoire le plus cher du monde. Le laboratoire le plus cher du monde, de très très loin. Et en réalité, effectivement, la NASA se rend compte que de toute façon, ce grand programme qui est né de manière assez bizarre d'ailleurs, de manière un peu idéologique sous la présidence Reagan, qui voulait en faire le symbole de l'entreprise et de la free enterprise et de la capacité à produire des choses dans l'espace. Bon, tout ça, on va très vite revenir un petit peu là-dessus en se disant, bah, finalement, ça va pas, la microgravité, c'est pas finalement une solution d'avenir. Et on va, au contraire, les technologies évoluant, on va se diriger vers des choses beaucoup plus petites et plus performantes. La coopération internationale est donc devenue aujourd'hui indispensable. La mission InSight est l'une des dernières missions de la NASA. La contribution française a été majeure dans cette mission. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université Paris-Diderot pour voir justement une chercheuse qui a participé à la conception de l'instrument principal embarqué. Oui, Lucille Fayon a fait sa thèse dans le cadre d'un des programmes Discovery de la NASA. Elle a travaillé 3 ans sur l'instrument SAIS, qui est un sismomètre, qui va étudier l'intérieur de Mars. L'instrument est un pur produit français et malgré le retard pris par la mission, la collaboration franco-américaine s'est très bien passée. Et en dehors de la prouesse technique, cette mission a réussi à rapprocher les équipes françaises et américaines. C'est en tout cas le ressenti de Lucille Fayon qui a pu assister au lancement. C'était le 5 mai dernier depuis la base californienne de Vandenberg. InSight, c'est une mission NASA, c'est une mission de type Discovery, donc qui sont les missions à petit budget de la NASA. Et c'est une mission qui est destinée à aller poser un atterrisseur sur Mars, avec notamment à son bord un sismomètre et une sonde de chaleur. Et donc, moi, mon travail sur la mission, il consiste à, dans un premier temps, modéliser un certain type de bruit qui pourrait perturber l'enregistrement du signal sismique, et également à essayer de faire de la sismologie de rotation grâce à l'étude des signaux sismiques de la sonde de chaleur lorsqu'elle va pénétrer le sol de Mars, en fait. En quoi cette mission est internationale et met en avant la relation franco-américaine ? Je pense que la mission, elle a une grosse collaboration franco-américaine déjà depuis le départ, puisque la mission est américaine, c'est une mission NASA, mais l'instrument principal a été développé en grande partie par la France. Donc et le reste de l'instrument principal, c'est l'Europe. Donc ça permet d'avoir en fait des scientifiques de tous ces pays qui sont impliqués dans la mission et qui vont ensuite utiliser les données pour déterminer par exemple la taille des différentes couches de Mars, l'état du noyau, etc. Et comme la collaboration a été un peu difficile à la fin, puisque la mission a été retardée, hein, donc au départ on devait lancer InSight en 2016, puis finalement ça a été repoussé à cause d'un problème de fuite de la sphère qui contient les capteurs sismiques. Donc cette sphère, elle était réalisée ici en France. Et donc depuis qu'il y a eu cette fuite, je pense que les Américains auront du mal à refaire confiance à un instrument français par la suite. Il va falloir un peu de temps et peut-être qu'il va falloir prouver justement avec SAIS que la collaboration était une bonne idée et que l'instrument va bien marcher et qu'on pourra faire de la belle science avec. Vous avez assisté au lancement en mai dernier du lanceur InSight. Quel climat il y avait entre les équipes françaises et américaines ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la relation vraiment au niveau personnel ? Ah, moi, de ce que j'en ai vu, la relation était hyper bonne et c'était un super moment. Et donc, c'est la première fois qu'une mission planétaire était lancée depuis la base de Vandenberg en Californie. Donc ça, c'est une vidéo que vous avez réalisée qui retrace un peu cet événement. Oui, je vais passer le moment du lancement. Donc là, on est le 5 mai, juste avant le lancement. Oui, c'est ça. Donc le 5 mai, un peu avant 4 heures du matin, donc on a été installé sur un terrain qui permettait d'accueillir un certain nombre de personnes. Et puis là, on est à 15 minutes avant le lancement, donc il y a les opérateurs qui vérifient que tout va bien. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire là ? Et l'opératrice qui répondait pas est en train de dire c'est ok, la météo va bien, donc nous on est ok pour le lancement en tout cas. Et donc là maintenant on est à 5 minutes avant le lancement et la permission de lancer est donnée. Donc là c'est le compte à rebours final, 40 secondes avant le décollage. Donc là nous on est à peu près à 10 km de la fusée. Donc 25 secondes. Donc ça c'est le cri de guerre, hein. Go Atlas, Go Center, Go InSight. Donc T moins 15 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, nous, à ce moment-là, on voit rien. On sait via les télés que la fusée a bien décollé et que tout se passe bien. Et puis, au bout de 40 secondes, on va entendre un bruit sourd. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est génial. C'est bon, on voit rien, donc on est un peu mitigé quand même, mais on sait que ça s'est bien passé, quoi. Et là, ça fait 40 secondes et c'est le moment où on entend le bruit sourd derrière et puis le sol tremble un peu, donc c'est impressionnant. Donc là, voilà, là c'est le moment où on entend vraiment le bruit sourd derrière. C'est le son qui nous arrive en fait avec le temps de propagation. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu un certain temps, à peu près une heure et demie quand même, pour essayer de voir sur les télés la phase de séparation en fait du dernier étage du lanceur avec la sonde. Et puis, histoire de vérifier que la sonde était sur la bonne trajectoire et que cette fois, pas comme en 96 avec les Russes, on était sûr d'aller dans la bonne direction et on était sûr que la sonde retomberait pas dans le Pacifique, quoi. Et donc là, c'était très émouvant. Parce que, par exemple, mon chef, mon directeur de thèse, a fait partie des gens qui ont travaillé sur la mission de Mars 96 et qui ont vu, qui n'ont pas vu avec leurs propres yeux, mais qui étaient là pour savoir que leur instrument a retombé dans le Pacifique, quoi. Donc là, c'était vraiment un super moment. Voilà le reportage autour de cet instrument de la mission InSight. On le disait, la NASA aujourd'hui, mais depuis quelques années déjà, s'est ouvert à la coopération internationale. Ça n'a pas facile quand même de collaborer avec la NASA. Et non, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour une autre raison, c'est que les budgets sont disproportionnés. Et la NASA, souvent, en interne, doit ajuster des délais, des budgets. Et 0,1% du budget scientifique de la NASA, ça peut mettre en danger une grosse portion, par exemple, du programme scientifique français pour l'année en cours. Et donc, il y a toujours cette disproportion entre, et qui vient de l'histoire qu'on a dite justement, entre ce que fait la NASA et comment elle réagit, et les effets de bord, je dirais, importants pour les autres, quoi. Donc souvent c'est le cas. Isabelle Sourbès-Verger, sur cette coopération et sur finalement cette espèce d'hyperpuissance qui impose aux autres, mais qui en même temps a besoin des autres pour pouvoir continuer à travailler. Alors ça marche aussi dans l'autre sens, et c'est assez intéressant parce que, par exemple, sur tous les programmes d'environnement, d'études du changement climatique et ce genre de travaux de fond, la NASA avait un programme absolument exceptionnel dans lequel elle a embarqué des tas de missions avec des Indiens, des Japonais, des Européens, avant tout le monde sauf les Chinois, je dirais. Et quelque part, quand il y a des difficultés avec l'exécutif, et en particulier, on le voit bien avec Trump, cette coopération internationale et ces accords de coopération internationale permettent à la NASA d'essayer de sauver, autant qu'elle le peut, certaines missions pour effectivement respecter ses engagements internationaux. Mais c'est là qu'on se rend bien compte que, je dirais, les États-Unis ont une conception de leur engagement international qui est parfois relativement souple dès lors que l'intérêt national ne colle plus avec l'intérêt international. Il y a des aménagements avec le ciel, c'est le cas de dire. Mais finalement, c'est vrai que cette internationalisation des programmes, elle est compliquée dans la mesure où elle est très dissymétrique. À titre d'ordre de grandeur, aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est environ 20 milliards de dollars. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, c'est 7. Roscosmos, c'est 5, donc la NASA garde... Si seulement c'était 5. Je pense que c'est un petit peu moins que ça, et c'était les prévisions, je suis pas sûr qu'ils les atteignent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, c'est aussi 5 ou 6, ce qui pose quand même la grande question du côté... Les Chinois parlent de dépenses extravagantes du côté américain, où il y a un moment où finalement, quand les Américains racontent, ce qui est faux, que les Chinois sont en train d'apparaître comme des compétiteurs, et en fait les Chinois sont quand même encore très loin derrière les Américains, il y a cette espèce d'image d'une course, et ça c'est vraiment la recréation aux États-Unis du bénéfice de ce qu'a pu être la course de la guerre froide avec l'Union soviétique. En réalité, là on est dans des budgets qui ont des ordres de grandeur qui sont tellement différents que ce n'est pas le même spatial qu'on réalise, ça c'est certain. Là, pour conclure cette émission, alors en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais tout de même, le grand défi aujourd'hui, c'est aussi la reprivatisation de l'espace, ça par rapport aux agences nationales publiques. Oui, parce que le New Space, est-ce que ça met en danger le modèle de fonctionnement de la NASA ? Alors, ça le met en danger. En tout cas, ça le transforme, comme ça transforme la relation entre le secteur public et l'ensemble du secteur privé. Et effectivement, la NASA, d'une certaine manière, a connu vraiment une crise existentielle, presque dans les années 80-90, puis plus tard dans les années 2000. Et aujourd'hui, ça a donné l'occasion à un nouveau secteur, effectivement, d'émerger, d'avoir ses propres visions, qui, d'une certaine manière, sont concurrentes, même quoi qu'on en pense. Ça peut y avoir un caractère un peu fantaisiste, mais néanmoins, c'est vrai que la NASA a été en panne ces dernières années de vision, ça c'est très clair. Aujourd'hui, il semble qu'elle retrouve une capacité à se reconcentrer sur des objectifs de plus long terme, en déléguant d'une certaine manière une partie du service public, par exemple de dessert de la station spatiale. Et donc on voit qu'effectivement s'inaugure une sorte de nouvelle époque où la NASA va avoir non plus des industriels comme sous-traitants, mais comme partenaires. Ça c'est compliqué à gérer. Et autre chose qui est intéressant, c'est sur la place que l'espace tient aujourd'hui. C'est-à-dire que autant il était clair que au XXe siècle, l'espace était quand même une des grandes innovations et une des pointes de la technologie. Autant aujourd'hui, finalement, l'espace, il est en recherche d'une existence au travers d'autres activités dont il peut servir de support d'infrastructures ou de caisses de résonance. Et on s'interroge beaucoup aujourd'hui, des agences comme le CNES, par exemple, sur la valeur de la donnée spatiale, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que la donnée spatiale apporte, comment elle peut être intégrée, et même vous avez des réflexions sur la question de l'intelligence artificielle, quel rôle elle peut jouer dans l'espace et comment il faut penser des nouvelles applications spatiales en intégrant finalement ces grands changements du monde contemporain dans lequel l'espace finalement d'une certaine façon fait un petit peu office de technologie du siècle précédent. On a le sentiment qu'effectivement vous parliez de projets ou de projection, en tout cas en termes budgétaires, en termes économiques, plus personne n'est aujourd'hui prêt à mettre l'argent qui a été mis notamment dans le programme Apollo dans les années 60. Alors aujourd'hui, la connexion qui existait très forte entre ce grand projet politique à l'échelle mondiale et la technologie spatiale n'existe plus. Alors, mais comme le dit Isabelle, il existe quand même de manière beaucoup plus diluée, mais sans doute beaucoup plus profonde et stable avec les technologies de l'information qui émergent, ce monde des technologies de l'information qui génèrent beaucoup de revenus et dans lequel l'espace va commencer à se diluer finalement. Donc on a une connexion qui existe, mais qui est d'une forme un petit peu différente et qui n'est plus autant politique, même si à nouveau, les gouvernements tiennent quand même, je dirais, le manche encore dans les activités spatiales. Ça veut dire que c'est la fin du rêve spatial, il n'y a plus tellement de rêve spatial. Maintenant, il est porté par des gens comme Elon Musk qui dit on va aller sur Mars. Je ne suis pas convaincue. Je pense qu'effectivement, le rêve spatial, il a besoin d'être concrétisé de façon différente. Je pense que le spatial a 60 ans, les débuts du spatial, ça fait 60 ans. Je pense que Star Trek, maintenant, quand on le regarde, c'est un petit côté vieillot. Et je pense ils ont relancé la franchise de cinéma, ils ont modernisé, ils ont lifté tout ça. Absolument, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le rêve spatial, il a probablement des formes différentes. Et peut-être que d'imaginer des robots sur Mars qu'on pourrait piloter avec des heures de pilotage, peut-être imaginer des photos de Mars comme on a Google Earth, etc. Je pense que c'est quelque chose pour lequel les jeunes générations sont toutes prêtes à s'enthousiasmer. Le rêve spatial, à mon avis, n'est pas mort, mais il faut qu'il trouve sa nouvelle forme. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Isabelle Sourbès-Verger. Merci beaucoup Xavier Pascaud d'être venu nous parler des 60 ans de la NASA. Xavier Pascaud, je rappelle qu'on peut vous lire dans le Nouvel Âge Spatial, c'est au CNRS Édition. Un mot pour vous dire également que puisqu'on parlait des idées claires sur la Lune tout à l'heure, le forum Les Idées Claires a lieu samedi matin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On va parler justement des fake news, de comment remettre de la confiance dans la parole scientifique. On en parle donc de 9h à 13h et avec Adèle Van Rett, avec Hervé Gardette et avec Olivia Gesbert. Et puis la méthode scientifique sera donc en public du Grand Amphithéâtre de 9h à 10h. On se posera la question de l'ère du doute avec notamment Étienne Klein, avec Bernadette Bensaud-Vincent et avec Gérard Bronner. Merci, vous êtes évidemment les bienvenus, c'est gratuit. Il faut s'inscrire néanmoins sur le site maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Humdenstock, Céline Lozen, Naïm Naguet, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, ce sera un vendredi fiction. Nous aurons l'honneur et le privilège de recevoir l'un des auteurs majeurs de science-fiction française. L'auteur du cycle d'Aumale, Laurent Genefort, sera notre invité. C'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.